Le comte se présente alors chez Bartolo, sous le nom de Lindor, déguisé en militaire de passage, moyennant un faux billet de recommandation. Il demande donc à Bartolo d'être logé chez lui. Mais il a à peine le temps de glisser à Rosine une lettre que Bartolo le met à la porte. Après le départ du comte, Bartolo demande à Rosine de lire la lettre que lui a glissée ce prétendu soldat. Mais une rapide substitution et un évanouissement simulé mettent sous les yeux de Bartolo un billet anodin d'un cousin de Rosine. Bartolo se retire, adouci et penaud.